Et vas-y, range ta calotte sur moi de deuxième accouche. Tu as toujours rien qu'à l'offre, tu m'en prends ton top à l'eau. Tu t'enclenches sur les gens, que tu racontes les gens. Tu sais que t'es fatigué dans ce monde, y'a ton anneau. Et vas-y, range ta calotte sur moi de deuxième accouche. Tu as toujours rien qu'à l'offre, tu m'en prends ton top à l'eau. Tu comptes que sur les gens, que tu racontes les gens. Tu sais que t'es fatigué dans ce monde, y'a ton anneau. C'est pour mes frères en cellule, mec, mirador fusil à lunettes. Plus de respect, c'est trop la crise. Tu dis ton pote, tu veux lui mettre. Je fume la substance illicite, tout droit venu de Drancy. Je dis au poteau d'en faire un gros, je suis pas trop bien ces temps ainsi. Faut que les commères les racistes, je m'en balais que passer à la 6. Ou je m'en tape, moi, tant qu'elle mouille la culotte dans la 6. Rien que ça tease, les filles faciles, on attire. Trop de jalousie, ça sort l'Uzi. Si c'est pour rien que ça tire, Armani, Versace. Moi, c'est dur, faut que vous sachiez. Je faisais du rap dans ma chambre, chez moi, je voyais les civils se cacher. Tu fais le voyou, t'as jamais touché une gâchette. Et j'ai entendu que tu baisais sa sœur en cachette. L'honneur, ça s'achète. En plus, t'es une cagette. Peut-être sur la hachette, sur le grand-père à nagette. Sur une île, je m'imagine faire des tractions comme une machine. Je le sais pas encore. Liga One, c'est ma team, je pose hardcore. Tout ce qui s'amuse à dire que je sais pas rapper. J'ai le buzz, tu viens de coller. J'ai pas besoin de toi, fous-moi la paix. Mange-toi ce high kick dans la tête. Au quartier, c'est pas la fête. Laisse pas traîner ton fils. Les petits chez moi, le racket, tu ailles. Toi, je veux rappeler que je vais tout niquer. Ouais, je serai rappeur. Tu fais le dur, mais ta femme te met au piqué. Compliqué ou Beyoncé comme Jay-Z. Je dans ma paranoïa, je crois que je commence à devenir crazy. Je trace tout droit, je calcule pas mes ennemis. Tu me fais le gros fumeur, mais tu fumes que du semi. Et vas-y, range ta calotte sur moi de toi, j'ai pas peur. Tu as trop joué à calotte, tu m'en poteau, t'as pas de cœur. Tu comptes que sur les gens, que tu racontes les gens. Tu surtiens fatigué dans ce monde, y'a trop d'un cœur. Et vas-y, range ta calotte sur moi de toi, j'ai pas peur. Tu as trop joué à calotte, tu m'en poteau, t'as pas de cœur. Tu comptes que sur les gens, que tu racontes les gens. Tu surtiens fatigué dans ce monde, y'a trop d'un cœur. Et range ta calotte, bolos, rien ne sert de faire le colosse. Toujours le crocodile ou le joujoujou floqué sur le polostre. Demande à mon monstre, qu'à faux pétasse. Qu'il faut l'ostre, y'a que des salopes qui veulent tes sous. Ouais, en gros, y'a que des folastres. C'est pour mes dollars qui me disent au pompon, c'est mis. Pour me refaire, je raquette des gens ou je vends des plaquettes semis. Pour les braqueurs en 2,5 qui rentrent chez toi avec une perruque. Ça se refait avec un morceau à 10 chez moi quand c'est rude. Oh les mains, c'est la crise à l'Asie. MC Rafale de 3 tentés dans Ayou, Ken à la Rio. Trop de rage en moi, trop de fils de bâtard. Ferme ta gueule, t'étais une victime au placard. Que tu blablates, c'est pour les petits chez moi qui t'observent, qui te capotent. Qui veulent ta femme, ta vie et ta carte, je sais plus qui est qui. Je cache mes cicatrices, j'en ai tellement marre, morte va méga triste que ça me pisse. En showcase, je retourne la piste, qu'on est tellement bien la vie que tu peux la lire sur mes cicatrices, les gars pisse. Venez, on se fait la bise, fermez vos gueules quand vous êtes seul, vous l'ouvrez quand vous êtes à 10, ton mort à dedans, je fais la diff. Et tout méga kiff, tu es trop sur les nerfs quand tout va mal, je suis ton sédatif. Pour moi, le rap c'est easy e, ouais, demande à visi e. La pointe à ils connaissent pas qui vient nous rendre un peu visi it. Je fais plus de rap, mais la rumeur, d'après les rumeurs. Désolé si je refusais une photo, c'est que j'étais pas d'humeur. Mon cœur est noir, miss, allume la lumière. Tu me fais le mec simple devant des folles, tu fais la lumeur. Laissez-moi, je suis mal luné. Se sentir mal aimé, ça fait mal, comme t'apprendre qu'une personne que t'as aidé veut t'allumer. Pour 20 euros, ça se met des rafales dans les pattes. Y'a un bruit, regroupe tout le monde, prépare les calibres et les pattes. Il te victimise, mon pote, tu veux que je fasse quoi? J'suis pas mesrine, moi, t'es pas content, ben casse-toi. J'suis pas mesrine, moi, t'es pas content, ben casse-toi. Non, j'suis pas les autres, moi. Qui ferment tous leur gueule. Non, j'suis pas les autres, moi. Qui ferment tous leur gueule. Faire les mecs, on les baise à tout le monde. Il faut faire les mecs, on les baise à tout le monde. Y'a trop de traites, y'a trop de BDH. Y'a trop de traites, oui, dans le secteur y'a trop de BDH. Y'a trop de traites, oui, dans le secteur y'a trop de BDH. Y'a trop de traites, oui, dans le secteur y'a trop de BDH. Y'a trop de traîtres, oui, dans le secteur y'a trop de BDH. Non, j'suis pas les autres, moi. Qui ferment tous leur gueule. Non, j'suis pas les autres, moi. Qui ferment tous leur gueule. Faire les mecs. T'as trop joué à calotte, tu m'en veux pas. Faire les mecs. Tu sais que t'es fatigué dans ce monde, y'a trop d'un cœur. Y'a trop de traîtres. Oui, à calotte, tu m'en veux pas. Faire les mecs.